En abordant le sujet d'aujourd'hui, je dois préciser d'abord que les chapitres 10, 11 et 12 de Daniel forment un tout. Ils sont consacrés à une vision unique que Dieu accorda au prophète la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Daniel 10, 1, c'est-à-dire autour de l'an 536 avant Jésus-Christ. À cette époque, Daniel a environ 85 ans. Après les remarquables messages qui lui ont été confiés, Dieu a-t-il encore une révélation à lui accorder? Oui, et probablement la plus transcendante. Non plus une vision de cornes, de boucs, de béliers ou d'animaux terrifiants, comme dans les chapitres précédents, mais la révélation de la personne même de Jésus-Christ qui apparaît à Daniel sous les traits d'un homme vêtu de lin. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Daniel, chapitre 10, versets 5 à 6. Cette description aurait bien pu figurer à la première page de l'Apocalypse, puisqu'elle correspond en tout à la vision de Jésus-Christ accordée à l'apôtre Jean en Apocalypse 1, 13 à 16. Les deux passages tiennent des propos similaires en dépeignant le Seigneur, ceinture d'or, visage éclatant, yeux comme des flammes de feu, pieds semblables à de l'airain ardent, voix comme le bruit de grandes eaux. Devant cette révélation, Daniel change de couleur, perd toute vigueur et tombe, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel 10, versets 8 à 9. Qu'une telle vision le terrasse n'est guère surprenant. L'éclat du Fils de Dieu a par exemple aussi jeté par terre Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Et tandis que le Seigneur parlait à Saul, les hommes qui l'accompagnaient entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Actes 9, 4 à 7. C'est à peu de choses près ce qui s'est produit pour Daniel par rapport à ses compagnons. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Daniel, chapitre 10, verset 7. La vision du Seigneur glorifié ne peut être que terrifiante, et elle sera insupportable pour les hommes lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, 7. Aussi, j'insiste une fois de plus auprès de vous, chers amis à l'écoute, pour ne pas avoir à vous lamenter demain devant la face de Jésus-Christ revenant du ciel comme juge. Approchez-vous de lui aujourd'hui, en sachant que, Sauveur parfait, il vous accueille encore en grâce. Mais revenons à Daniel. Alors qu'il est terrassé par la vision du Seigneur glorifié, le toucher de Jésus-Christ lui rend force et courage. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Daniel, chapitre 10, verset 10. Et comme ce n'est pas encore suffisant, le Seigneur réconforte le prophète par un message d'encouragement, puis la même main le touche une seconde fois. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Daniel 10, versets 18 à 19. Cependant, si Daniel a besoin d'être réconforté, ce n'est pas seulement parce que l'apparition du Seigneur l'a terrorisé. Depuis 3 semaines, il traverse une expérience pénible et éprouvante, et il ne peut s'expliquer pourquoi son esprit est pareillement oppressé. Il en parle au verset 2 et 3 de ce chapitre 10. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » 3 semaines de prière, de jeûne, oui, mais aussi de pression spirituelle qui accable le prophète dans un combat dont il ne comprend pas la nature. En fait, l'expérience de Daniel s'insère dans le conflit qui oppose le ciel à l'enfer, cette lutte incessante où les puissances démoniaques se liguent à la fois contre Dieu et contre ses serviteurs. Mais dès le premier jour de cette lutte, Dieu a entendu les prières du prophète. Il le précise au verset 12. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et non seulement Dieu vient auprès de Daniel dans la personne de son fils pour le réconforter, mais il lui révèle l'identité des adversaires qui s'affrontent dans ce conflit. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 20. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Verset 21. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Qui sont-ils donc, ces mystérieux chefs, qui osent résister au Tout-Puissant? Eh bien, le chef de la Perse n'est pas l'empereur Cyrus, qui pourtant règne à cette époque. Celui de Javan, c'est-à-dire de la Grèce, ne sera pas Alexandre le Grand, le conquérant des peuples au IVe siècle. Non, ces mystérieux chefs sont des dominations spirituelles invisibles qui résistent à Dieu et régissent ces nations de la Perse et de la Grèce en exécutant les ordres de Satan à leur égard. Et comme Daniel est sous les ordres de Dieu, il ressent à son tour les effets de cette résistance. Il arrive fréquemment que le diable attaque sournoisement les chrétiens pour les accuser, les perturber dans leur esprit, les tourmenter sans raison apparente, sinon celle, combien perfide, d'ébranler leur foi. Chers amis à l'écoute, y aurait-il parmi vous un enfant de Dieu devenu la cible des attaques de Satan ou, selon l'expression utilisée par l'apôtre Paul, la cible des traits enflammés du malin? Éphésiens 6, 16. Discernez donc ce qui se passe dans le royaume de l'invisible. La parole de Dieu vous éclaire à ce sujet. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, disait l'apôtre Paul en Éphésiens 6, 12 à 13, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui plus que jamais, le monde entier est sous la puissance du malin. 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Les puissances infernales veulent s'assujettir les nations et les gouvernements pour les contraindre à exécuter le vouloir de Satan. Il nous faut donc apprendre à discerner les puissances spirituelles qui agissent derrière les événements et prendre notre part dans ce combat, ce qui est une preuve de maturité spirituelle. L'enfant de Dieu peut ressentir les effets de la guerre incessante qui se livre dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le monde de l'invisible. Mais au lieu d'être impressionné par les puissances malfaisantes du sous-monde qui agissent aujourd'hui, il se souvient qu'au calvaire, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. C'est pourquoi dans ce conflit, les dominations spirituelles infernales affrontent des puissances placées directement sous les ordres de Dieu pour exécuter ses desseins. Dans ce chapitre 10 de Daniel, le Seigneur est assisté de Michaël, présenté au verset 13 comme l'un des principaux chefs, et au verset 21 comme votre chef, ou au chapitre 12 encore comme le défenseur des enfants de ton peuple. Daniel 12, 1. Qui est-il donc ce Michaël, sinon l'archange Michel, celui qui, au chapitre 12 de l'Apocalypse, prend les armes pour chasser Satan du ciel et assurer la défense d'Israël. Oui, notre Seigneur dispose aujourd'hui de légions d'anges bienfaisants, prêts à exécuter ses plans pour la propagation de son royaume, la protection de ses serviteurs et le salut des perdus. Hébreux 1, 14 confirme cette réalité. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Chers auditeurs, l'angoisse ou l'accusation vous tourmente-t-elle? Laissez-vous saisir par celui qui a touché Daniel pour le fortifier. Les adversaires auxquels il se heurtait sont ceux que nous avons à affronter aujourd'hui. Mais le secours accordé au prophète peut également nous être assuré. C'est pourquoi lisons ensemble le verset 11 de ce chapitre 10. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Chers amis à l'écoute, prenez courage et tenez-vous debout à la place où vous êtes. C'est là que le Seigneur vous veut. Et dans les circonstances dramatiques que le monde traverse, souvenons-nous tous ensemble de la parole du Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 36. Oui, tous debout dans le combat et dans la victoire. Et que Dieu vous bénisse.